siki mwen. Pi nou siv ki mwen, me yi pichi. Me yi pichi. Pa ni pi tok siki mwen. Pi nou siv ki mwen, me yi pichi. Me yi pichi. Tou pati diyan kout kal, kal apre yon ti souse. Yi vin sentimental, tal apre ke yi goute. La koshon. La koshon. Elle aime quand c'est brutal, t'as le dessert après souper. En ses dominant mal, il veut entre anglais pour coucher et elle se donne. Elle se donne. Pani pitox c'est qui moi? Pino sif qui moi? Mei pitchi. Mei pitchi. Pani pitox c'est qui moi? Pino sif qui moi? Mei pitchi. Mei pitchi. Oui, money sentiment. C'est love pour sexe. Il paie en senti point. En l'autre gauche neck. Il cavine excitante. Les mancas ou se péter. Ça semble si évident quand elle envoie du steak. Elle est bonne. Elle est bonne. Je ne cesse de le répéter. Elle est bonne. Elle est bonne. Je ne cesse de le répéter. Pani pitox c'est qui moi? Pinocif qui moi? Mei pitchi. Mei pitchi. Pani pitox c'est qui moi? Pinocif qui moi? Mei pitchi. Mei pitchi. Quand je la déboîte, à la sortie de boîte, sur moi elle fait des squats, et que t'entends des claps, claps. Quand je la déboîte, à la sortie de boîte, sur moi elle fait des squats, et que t'entends des claps.